Chapitre 3. Cette soirée transforma le jeune homme. Ses palais, ses richesses, leurs eaux fraîchissantes, leur éclat, qu'il avait jusqu'alors admiré d'un cœur assez atone, reçurent un sens de la volupté que la Sarrasine en pouvait ressentir. Et dans ses jardins pleins d'ennui, les roses, les lys et les cyprès s'humanisèrent d'une espèce de parenté avec cette fée. De son côté, l'émir éprouva un renouveau de plaisir à constater sur cet étranger la puissance de sa merveille secrète. Et quand Guillaume lui dit « Seigneur, tandis que cette péri chantait, j'ai compris comment ceux qui meurent sans péché ne se lassent jamais des harpes du paradis. » L'impudent touché de folie se laissa aller à répondre « Ah, si tu la voyais !» Une si folle exclamation prouve combien les mœurs de l'islam s'étaient relâchées en Syrie, au voisinage des chrétiens. Mais l'on peut croire aussi que la Sarrasine avait manœuvré pour mettre une distraction dans la monotonie des heures du harem. Guillaume essaya d'éviter une entrevue qu'il craignait et désirait. Certains mots de ce chant céleste étaient venus le blesser comme les coups d'une lance d'argent. « Chez ma mère et chez mes sœurs, qui ressemblaient à des religieuses, il y avait, se disait-il, quelque chose de cette douceur de voix et de ce ressort de l'âme. Et dans mon église d'enfance, les hymnes montaient parfois sous les voûtes, avec cette véhémence qui donne envie de mourir. » Alors comment se fait-il que j'éprouve à l'idée de voir cette dame une sorte de crainte sacrée? Il dut céder à son hôte et à la fatalité. Une après-midi, Guillaume, sous les arcades d'une cour intérieure, attendit avec l'émir que la Sarrasine parut. Il voulut, agenouillé dans l'ombre et sa figure dans les mains, admirer sans être vu ce cantique vivant. Enfin il y eut, sur les dalles, le piétinement d'un groupe de femmes, et les tentures écartées, l'ange du désir apparut à visage découvert. Ce fut comme si l'on étalait à nu devant le jeune homme les secrets de son propre cœur. La figure de cet élu, ainsi qu'avait fait son chant, le révéla à lui-même et le conduisit aux sources de sa vie. Il crut voir paraître avec des visages de beauté et de bonté toute la suite de femmes dont il était issu et les étoiles que ses plus secrets désirs appelaient. « C'est ma sœur du ciel, se dit-il, et je l'aurais aimée avec une plaie sur la joue. » Ses voiles étaient brodés de grandes glycines et son écharpe peinte. Son visage et tout son être exprimaient la même mélodie que son chant, sans doute la musique d'une âme faite d'amour et de grâce, et dont la flamme immortelle jaillissait de ses grands yeux. Ses petits seins et tout son corps se dessinaient sous une tunique d'azur et de cramoisi, dans un gilet d'or boutonné par de grosses perles, au-dessus d'une ceinture de gaze et de larges pantalons de soie orange serraient sa cheville, où jouait un anneau d'or. Elle répandait autour d'elle une joie étincelante, aussitôt suivie du mélancolique sentiment que nulle minute ne peut être fixée. Et par ce chemin de tristesse, on pénétrait jusqu'au monde qu'elle portait dans son cœur. Mais comment le jeune chrétien se fût-il orienté dans le ciel de lumière, quand il était submergé sous les songes d'amour et les désirs de mort? Il crut voir du fond de son rêve le sang lui bourdonnant aux tempes et au cœur. L'émir qui voulait qu'elle chantât tandis qu'elle, debout, les yeux baissés et semblant fermer ses paupières sur une image frémissante, restait plusieurs minutes à répéter en esprit sa chanson pour elle seule. Il la contemplait. Elle assemblait ses forces et faisait le plein dans son cœur. On eût dit un aiglon qui va risquer son premier vol. Quelle présence de la jeunesse, de la beauté et de tout ce qu'il y a de pur dans le monde! Son sourire d'azur et d'argent avait l'éclat de la mer le matin quand elle se brise au rivage du Liban. Deux femmes, debout derrière elle, semblaient prêtes à la retenir, soit qu'elle s'évanouit, soit qu'elle voulut regagner trop tôt le ciel des péris, et avec des mots de nourrice l'encourageaient, tandis qu'elle paraissait dire « Je ne puis pas, vous voyez bien que je vais mourir. » Et ses poignets, ses petites mains aux ongles roses, avaient autant d'expression que son visage, pour révéler la timidité de son âme. Enfin, elle s'approcha, et s'appuyant sur l'épaule de son maître, le pria sans parole qu'il la dispensa de chanter. L'émir fut flatté de cette angoisse qu'elle éprouvait à paraître devant un étranger, et l'imprudent ne désira que davantage obtenir d'elle ce qu'il lui fallait pour l'instant ajourner. Quant au jeune chrétien, il songeait en lui-même, l'inconnu qui pleure à la tombée du soir en écoutant le muezzin est plus près de ce chant chanteur inconnu que ce musulman du cœur de cette femme qu'il prendra cette nuit dans ses bras. Sans illusion d'espoir, je veux qu'elle agisse sur mon âme et qu'elle y fasse prévaloir mes parties les meilleures. Il comprenait qu'il avait entendu un chant magique et pour la vie subit une toute puissante fascination.